Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 2e, mission et apparition. Chapitre 10, apparition de Dieu à Adam et à Abraham. Et d'abord nous lisons au livre de la Genèse, que le Seigneur parla à l'homme qu'il avait formé du limon de la terre. Mais si nous prenons ici les paroles de l'Écriture dans leur sens littéral, et si nous en excluons toute signification figurée, il semble que Dieu prit une forme humaine pour converser avec l'homme. Sans doute l'écrivain sacré ne l'affirme point positivement, mais cela résulte de l'ensemble de son récit, et spécialement de certains détails bien circonstanciés. Ainsi, Adam entendant la voix de Dieu qui, vers le soir, se promenait dans le paradis terrestre, se cacha parmi les arbres qui étaient dans le jardin, et lorsque Dieu lui dit, « Adam, où es-tu ? » il lui répondit, « J'ai entendu votre voix et je me suis caché de votre face, parce que j'étais nu. » Genèse 3, 8, 10. Or, je ne vois pas comment Dieu aurait pu, dans la rigueur des termes, marcher et parler, si ce n'est sous une forme humaine. Et, en effet, l'on ne peut dire qu'Adam entendit seulement le son d'une voix, puisque Moïse affirme que Dieu marcha. Et d'un autre côté, l'on ne peut soutenir qu'en marchant Dieu ne se soit rendu visible, puisqu'il est dit qu'Adam se retira de devant sa face. Quelle était donc cette personne divine ? Était-ce le Père, ou le Fils, ou le Saint-Esprit ? Ou bien la Trinité tout entière conversait-elle avec l'homme sous une forme humaine ? Mais l'usage de l'Écriture n'est point de passer brusquement d'une personne à l'autre, et ainsi celle qui parle ici à Adam, paraît être la même qui avait dit, « Que la lumière soit, que le firmament soit. » Genèse 1, 3, 6. Et qui se montra dans les autres jours de la création. Or, nous reconnaissons que cette personne est Dieu le Père, qui par sa parole créa le monde. Il fit donc toute chose par son Verbe, et la foi catholique nous apprend que ce Verbe est son Fils unique. Mais si Dieu le Père a parlé au premier homme, s'il s'est promené vers le soir dans le paradis terrestre, et si Adam pécheur s'est caché de devant sa face dans les bosquets du jardin, pourquoi n'admettrions-nous pas qu'il soit également apparu à Abraham, à Moïse, et à plusieurs autres? Qui l'empêchait en effet de le faire selon son bon plaisir, et par l'intermédiaire d'une créature muable et visible, tandis que lui-même restait toujours de sa nature immuable et invisible? Toutefois, qui vous a dit, m'objecterez-vous, que l'écrivain sacré n'a point passé secrètement d'une personne à une autre, et qu'après nous avoir montré le Père créant par son Verbe la lumière et l'ensemble de l'univers, il n'indique pas ici le Fils, comme étant la personne divine qui parle à l'homme? Sans doute il ne l'affirme pas expressément, mais il le propose à nos recherches et à notre intelligence. Que celui donc qui possède un œil assez vif pour pénétrer ce mystère, y applique son esprit, et qu'il cherche à découvrir si par l'intermédiaire d'une créature sensible, le Père a pu se manifester au regard des hommes. Ou bien si ces diverses apparitions doivent exclusivement être rapportées au Fils et au Saint-Esprit. Je souhaite qu'il réussisse dans cette recherche, et qu'il lui soit donné d'éclaircir et d'expliquer ce mystère. Pour moi, je m'en tiens au texte même de l'Écriture, et je regarde comme secrète et impénétrable la manière dont le Seigneur a parlé à l'homme. D'ailleurs, il ne me paraît pas évident qu'Adam ait aperçu Dieu des yeux du corps. Et puis se présente cette grande question, comment leurs yeux s'ouvriront-ils, dès qu'ils eurent mangé du fruit défendu? Est-ce qu'auparavant ils étaient fermés? Genèse 3, 7. Cependant, il ne me semble point téméraire de dire que l'Écriture, en mentionnant le jardin de délices comme un séjour terrestre, suppose par cela même que Dieu ne pouvait s'y promener que sous une forme humaine. Et en effet, l'on n'est point admis à supposer que l'homme entendit seulement une simple voix, sans voir une figure quelconque, et bien qu'il soit expressément marqué, qu'Adam se cacha de devant la face du Seigneur, on ne doit pas conclure qu'il le voyait habituellement. Et, sans pouvoir contempler Dieu, Adam ne craignait-il pas d'en être vu, parce qu'il avait entendu sa voix, et qu'il avait senti sa présence dans le paradis terrestre? Caïn disait aussi au Seigneur, « Voilà que je me cacherai de devant votre face. » Genèse 4, 14. Et néanmoins nous ne sommes point forcés d'avouer que Caïn vit Dieu des yeux du corps, et sous une forme sensible, quoiqu'il entendit distinctement la voix qui lui parlait, et qui lui reprochait son crime. Au reste, il est difficile d'expliquer comment Dieu faisait alors entendre sa voix aux hommes, et principalement à Adam. D'ailleurs, cette recherche est étrangère à mon sujet, et je me propose seulement cette question. S'il n'y avait dans ces apparitions de Dieu aux premiers hommes qu'une voix et un son qui leur rendit sa présence plus sensible, pourquoi n'y reconnaîtrais-je pas la personne du Père? En vérité, je ne vois rien qui s'y oppose. Car c'est le Père qui se manifeste et qui parle, lorsque sur la montagne Jésus est transfiguré en la présence de trois de ses apôtres. C'est lui encore qui se fait entendre, lorsqu'au baptême de Jésus, l'Esprit Saint descend sur lui en forme de colombe. Matthieu 17, 5, 3, 17, et qui, exauçant cette prière du même Jésus, « Mon Père, glorifiez votre Fils », dit, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore », Jean 12, 28. Ce n'est point, il est vrai, qu'ici Dieu le Père agisse sans son Fils et sans l'Esprit Saint, puisque toute œuvre extérieure est commune aux trois personnes divines. Mais je veux dire que cette voix révélait seulement la personne du Père, de même que le mystère de l'incarnation est l'ouvrage de la Trinité entière, et que néanmoins la personne seule du Fils s'est incarnée. Et en effet, si la Trinité invisible nous a rendu visible par l'incarnation la seule personne du Fils, pourquoi ne verrions-nous pas dans la parole que Dieu adresse à Adam et l'action de la Trinité entière, et la manifestation spéciale d'une des trois personnes divines? D'ailleurs, nous sommes contraints d'attribuer uniquement au Père cette parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », Matthieu 3, 17. Car on ne saurait dire, ni croire que Jésus-Christ est le Fils de l'Esprit-Saint, ou bien qu'il est lui-même son propre Fils. N'est-ce pas encore le Père qui se déclare par cette voix venue du ciel? Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore? Elle n'est en effet que la réponse du Père à cette prière du Sauveur Jésus. Mon Père, glorifiez votre Fils. Or Jésus ne pouvait prier ainsi que son Père, et non l'Esprit Saint dont il n'est point le Fils. Pourquoi donc n'entendrions-nous pas de la Sainte Trinité cette parole de la Genèse? Et le Seigneur Dieu dit à Adam. Nous lisons également dans l'Écriture que Dieu dit à Abraham, « Sors de ta terre et de ta parenté, et de la maison de ton père. » Mais il n'est point expressément marqué si ce patriarche entendit seulement un son et une voix, ou s'il fut en outre favorisé de quelque apparition. Un peu après, il est vrai, l'écrivain sacré semble se prononcer plus ouvertement, car il ajoute, que le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai cette terre à ta postérité. » Genèse 12, 1, 7. Toutefois, Même dans ce passage, Moïse ne spécifie point le genre de vision dont jouit Abraham, et il ne détermine point laquelle des trois personnes divines lui apparut. Mais peut-être croirez-vous qu'il ait voulu désigner le Fils, parce qu'il a dit « Le Seigneur apparut à Abraham, et non Dieu apparut ». Et en effet dans quelques endroits des Saintes Écritures, ce mot, « le Seigneur », désigne particulièrement Dieu le Fils. Ainsi l'apôtre écrit aux Corinthiens, « S'il est des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, en sorte qu'il y ait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui procède toutes choses, et qui nous a fait pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été faites, et nous sommes par lui. » 1 Corinthiens 8, 5, 6. Cependant Dieu le Père est lui-même appelé Seigneur dans plusieurs passages de nos livres saints, comme dans celui-ci. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Asseyez-vous à ma droite. » Et encore, le Seigneur m'a dit, « Vous êtes mon Fils, et je vous ai engendré aujourd'hui. » Psaume 109, 1, 2, 7. Bien plus, l'apôtre nomme aussi Seigneur l'Esprit Saint, car il dit que « le Seigneur est Esprit », et pour qu'on ne puisse croire qu'il désigne ici le Fils, et ne l'appelle Esprit que par rapport à son humanité, il ajoute immédiatement que « là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » 1 Corinthiens 3, 17. Or, qui peut douter que l'Esprit du Seigneur ne soit l'Esprit Saint? C'est pourquoi l'on ne peut ni préciser laquelle des trois personnes divines apparut à Abraham, ni déterminer si ce ne fut pas cette Trinité entière, dont il est dit, comme n'étant qu'un seul Dieu, « Vous adorerez le Seigneur votre Dieu, et vous ne servirez que lui. » Deutéronome 6, 13. Sous le chêne de Mambré, Abraham vit encore trois hommes, qu'il invita à venir se reposer sous sa tente, et auxquels il servit le repas de l'hospitalité. Mais au début de son récit Moïse dit que « le Seigneur apparut à ce patriarche, et non que trois hommes lui apparurent », et puis, entrant dans quelques détails au sujet de ces trois hommes, il observe qu'Abraham leur parla au nombre pluriel pour les inviter, et au nombre singulier pour les entretenir. C'est ce que nous remarquons lorsque l'un d'eux lui promit un fils de Sarah, et à cette occasion l'écrivain sacré répète cette expression, « Le Seigneur apparut à Abraham ». Ainsi Abraham invite ses trois hôtes, leur lave les pieds et les reconduit par honneur, comme s'ils étaient trois hommes, et il leur parle comme s'ils ne s'adressaient qu'au Seigneur, soit qu'il lui promette un fils, soit qu'il lui annonce la prochaine destruction de Sodome. Genèse 18. Chapitre 11. Le chêne de Mambré. Mais ce passage de la Genèse mérite que nous nous y arrêtions quelque temps. Et en effet, si un seul homme eût apparu au saint patriarche, ceux qui affirment que le Fils était visible de sa nature, et avant son incarnation dans le sein d'une vierge, pourraient ici jeter un cri de joie et de victoire, et soutenir avec raison que c'est du Père que l'apôtre a dit, qu'il est seul le Dieu invisible. 1 Timothée 1, 17. Toutefois il me serait permis de leur demander comment, avant qu'il se fût fait homme, le Fils de Dieu put être reconnu homme par tout ce qui parut en lui, car Abraham lui lava les pieds, et le fit asseoir à sa table. Oui, comment cela put-il se faire, lorsque, ce Fils ayant la nature de Dieu ne croyait point que ce fût pour lui une usurpation de s'égaler à Dieu? Car, il ne s'était pas encore humilié, en prenant la forme d'esclave, en se rendant semblable aux hommes, et se faisant reconnaître pour homme par tout ce qui paraissait en lui. Philippiens 2, 6, 7. Nous savons en effet que tout ce mystère d'abaissement ne s'est réalisé que par l'enfantement de la Vierge Marie. Comment donc avant cet enfantement le Fils de Dieu a-t-il pu apparaître comme homme? Mais il n'était pas réellement homme. Cette difficulté m'arrêterait, si un seul homme eût apparu à Abraham, et si cet homme eût été le Fils de Dieu. Mais puisque ce saint patriarche vit trois hommes, et puisque tous trois étaient égaux en beauté, en âge et en pouvoir, pourquoi ne reconnaîtrons-nous pas en eux une figure de l'Auguste Trinité, dont les trois personnes, égales en toutes choses, n'ont qu'une seule et même nature? Peut-être encore voudrions-nous conjecturer que l'un des trois voyageurs était supérieur aux deux autres, et qu'il représentait le Fils de Dieu, accompagné de ses anges, parce qu'Abraham, voyant trois hommes, ne parle qu'à un seul, et le nomme Seigneur. Mais la Sainte Écriture prévient ses pensées tout au moins téméraires, quand elle dit peu après que deux anges vinrent retrouver Lot, pour l'arracher à la destruction de Sodome, et que cet homme juste leur parla comme s'il eût parlé à Dieu. Et en effet elle s'exprime ainsi, « Le Seigneur disparut, lorsqu'il eut cessé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. » Genèse 18, 33. Chapitre 12. Apparition faite à Lot. Or deux anges arrivèrent sur le soir à Sodome. Ici, la proposition que je veux établir demande toute notre attention. Nous avons vu qu'Abraham s'adressant à ses trois hôtes, leur parlait comme à un seul qu'il appelait son Seigneur, et de là on pourrait conclure qu'il en reconnaissait un pour Dieu, et les deux autres pour ses anges. Mais comment accorder cette opinion avec la suite du récit? Le Seigneur disparut lorsqu'il eut cessé de parler à Abraham, et Abraham retournant en sa demeure. Or deux anges arrivèrent sur le soir à Sodome. Est-ce par hasard que celui des trois que le saint patriarche reconnaissait comme Dieu, s'était alors retiré, se contentant d'envoyer ses anges à Sodome? Eh bien poursuivons la lecture du texte sacré. Deux anges arrivèrent donc sur le soir à Sodome, et Lot était assis à la porte de la ville. Et dès qu'il les eut vus, il se leva et alla au-devant d'eux, et il adora, s'inclinant vers la terre, et il dit « Je vous prie, Seigneur, retirez-vous en la maison de votre serviteur. » Genèse 19, 1, 2. Ne ressort-il pas de ce récit que ces anges étaient au nombre de deux, et que l'autre les prenant pour des hommes, leur adressait la parole au pluriel, les invitait à accepter ses offres d'hospitalité, et leur donnait par honneur le nom de Seigneur? Mais voici une nouvelle difficulté. Si l'autre n'eût reconnu en eux des anges, il n'eût point adoré, s'inclinant vers la terre. Et si, d'autre part, il ne les eût pris pour des hommes, il ne leur eût point offert la table et le logement. Cette difficulté, je l'avoue, ne laisse pas que d'être sérieuse, et néanmoins sans la résoudre, je poursuis mon raisonnement. L'Écriture raconte donc tout d'abord que deux anges arrivèrent à Sodome, que l'autre les vit, qu'il leur offrit l'hospitalité, et qu'il leur parla au pluriel jusqu'à ce qu'il eût quitté la ville. Puis elle continue en ces termes, et après qu'ils l'eurent emmené hors de la ville, ils lui dirent, « Sauve ta vie, ne regarde point derrière toi, et ne t'arrête point dans cette contrée, mais sauve-toi sur la montagne, de peur que tu ne périsses avec les autres. » Et l'hôte leur répondit, « Mon Seigneur, je vous prie, puisque votre serviteur a trouvé grâce devant vous, et le reste ? Genèse 19. Pourquoi donc l'autre dit-il aux deux anges ? Je vous prie, Seigneur, si celui qui était Dieu s'était déjà retiré et n'avait laissé que ses anges. Pourquoi encore ce mot, Seigneur, au singulier, et non au pluriel ? Direz-vous qu'il ne s'adressait qu'à un seul ? Mais alors pourquoi l'Écriture s'exprime-t-elle ainsi ? L'hôte leur répondit, « Mon Seigneur, je vous prie, puisque votre serviteur a trouvé grâce devant vous ?» Évidemment, il est ici question de deux personnes, et l'hôte qui leur parle comme à un seul, reconnaît en elle l'unité de nature, et confesse qu'elles ne sont qu'un seul Dieu. Mais quelles sont ces deux personnes ? Le Père et le Fils, ou le Père et l'Esprit Saint, ou plutôt le Fils et l'Esprit Saint ? Cette dernière hypothèse me paraît la plus vraisemblable. Car ces deux anges se disent envoyés, ce que nous disons également du Fils et du Saint-Esprit, tandis que jamais l'Écriture ne l'affirme du Père. Chapitre 13. Le buisson ardent. Voici maintenant en quels termes le livre de l'Exode raconte l'apparition du Seigneur à Moïse, lorsque celui-ci fut envoyé au peuple d'Israël pour le faire sortir de l'Égypte. Moïse paissait les brebis de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et, un jour qu'il avait conduit le troupeau dans le fond du désert, il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et l'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un feu qui sortait du milieu d'un buisson, et Moïse voyait que le buisson brûlait et ne se consumait point. Moïse dit donc, « J'irai et je verrai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume point ?» Mais le Seigneur voyant qu'il venait pour regarder, l'appela du milieu du buisson et lui dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Exode 3, 1, 6. Ici le personnage qui apparaît, est d'abord nommé ange, et puis Dieu. Est-ce qu'un ange peut être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Non sans doute. Aussi peut-on reconnaître dans cet ange le Sauveur Jésus, dont l'apôtre a dit, qu'il est sorti des patriarches selon la chair, et qu'il est le Dieu au-dessus de toutes choses, et béni dans tous les siècles. Romains 3, 1 à 6. Celui donc qui est le Dieu béni dans tous les siècles, peut bien, sans difficulté aucune, se nommer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pourquoi l'écrivain sacré parle-t-il d'un ange, lorsque la flamme du buisson apparut à Moïse? C'est que peut-être un esprit céleste représentait effectivement la personne de Dieu, ou bien était-ce une créature quelconque qui se montrait visiblement, et se faisait entendre distinctement, afin de manifester par ses signes sensibles la présence invisible du Seigneur? Mais si c'était un ange, qui pourrait sans témérité affirmer qu'il représentait la personne du Fils à l'exclusion de celle du Saint-Esprit, ou du Père? Ou plutôt n'était-ce pas cette Trinité, qui est un seul Dieu, qui disait « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob » Et en effet, celui qui ne serait pas Dieu, ne saurait être le Dieu de ces illustres patriarches. Mais ce n'est pas seulement le Père qui est Dieu, comme en conviennent tous les hérétiques, c'est encore le Fils dont ils sont forcés, bon gré, mal gré, de reconnaître la divinité, puisque l'apôtre dit, qu'il est le Dieu au-dessus de toutes choses, et béni dans tous les siècles. Enfin le Saint-Esprit est Dieu, car le même apôtre écrit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui réside en vous, et que vous avez reçu de Dieu? Glorifiez donc Dieu en votre corps, 1 Corinthiens 6, 19, 20. Or, comme ces trois personnes, ainsi que nous l'enseigne la foi catholique, ne sont qu'un seul Dieu, il n'est pas facile de déterminer laquelle des trois représentait cet ange, ni même de décider s'il ne figurait point la Trinité entière. Mais voulez-vous ne voir ici que l'union passagère à une créature formée pour la circonstance présente, rendue capable de frapper l'œil et l'oreille de Moïse, et portant les noms d'anges du Seigneur, et même de Dieu et de Seigneur? Vous ne sauriez dire qu'elle représentait le Père, mais seulement le Fils ou l'Esprit Saint. Cependant l'Écriture n'appelle nulle part l'Esprit Saint l'ange du Seigneur, quoique ce nom convienne à ses diverses opérations, car d'un côté le Sauveur a dit de lui, qu'il annoncerait ce qui doit arriver, Jean 16, 13, et de l'autre le mot ange signifie envoyé. Quant à Jésus-Christ, le prophète le nomme expressément l'ange du grand conseil, Isaïe 9, 6. Au reste c'est un article de foi, que l'Esprit Saint et le Fils sont comme Dieu au-dessus des anges. Chapitre 14, la colonne de feu. Nous lisons encore que lorsque les Hébreux sortirent de l'Égypte, le Seigneur les précédait durant le jour en une colonne de nuée, pour leur montrer la voie, et durant la nuit, en une colonne de feu. Et jamais, ajoute l'écrivain sacré, la colonne de nuée ne cessa de paraître devant le peuple durant le jour, ni la colonne de feu durant la nuit. Exode 13, 21, 22. Qui pourrait ici douter que Dieu n'ait alors apparu aux yeux des Israélites par l'intermédiaire d'une créature sensible et corporelle, et non point en sa propre substance? Mais était-ce le Père, ou le Fils, ou l'Esprit Saint, ou bien n'était-ce pas la Trinité tout entière? C'est ce qu'on ne saurait affirmer. Selon moi, on ne peut même tirer à cet égard aucune lumière du passage où il est dit que « la gloire du Seigneur apparut dans la nuée » et que le Seigneur parlant à Moïse, lui dit « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël » Exode 16, 10 à 12. Chapitre 15, le mont Sinaï. Quant aux prodiges qui éclatèrent sur le mont Sinaï, l'on connaît assez la nuée lumineuse, les éclats de la foudre, le bruit des voix et des trompettes, et les tourbillons de fumée. D'ailleurs, voici le texte même du livre de l'Exode. Tout le mont Sinaï fumait, parce que le Seigneur y était descendu au milieu du feu, et la fumée de ce feu montait comme d'une fournaise. Tout le peuple fut grandement épouvanté. Et le son de la trompette augmentait de plus en plus, et Moïse parlait, et Dieu lui répondait. Exode 19, 18, 19. L'écrivain sacré dit encore, après avoir raconté la promulgation des 10 commandements de la loi, que le peuple voyait les éclairs et la fumée de la montagne, et qu'il entendait le tonnerre et le son de la trompette. Il se tint donc au loin, ajoute-t-il un peu plus bas. Mais Moïse entra dans la nuée où était Dieu, et Dieu parla à Moïse. Exode 20, 18, 21. Que dirais-je ici? Mais d'abord qui serait assez insensé pour croire que la fumée, le feu, la nuée, et les autres prodiges étaient la substance même du Saint-Esprit? Ou la personne du Verbe divin que nous nommons le Christ et la sagesse de Dieu? Quant à y voir Dieu le Père, les Ariens eux-mêmes n'ont jamais osé le dire. Ainsi tous ces prodiges se réalisèrent par l'intermédiaire de différentes créatures qui, soumises au Créateur, en rendaient la présence sensible aux yeux des Israélites. Néanmoins, parce qu'il est dit, que Moïse entra dans la nuée où était Dieu, quelques-uns croient qu'il vit réellement de ses propres yeux la substance du Fils, tandis que le peuple n'apercevait que la nuée. Mais ce n'est ici qu'une folle imagination des hérétiques. Et quoi ? Moïse aurait vu de ses propres yeux la substance du Verbe éternel, que nous nommons le Christ et la sagesse de Dieu, lorsque nous ne pouvons même voir l'âme d'un sage, ni de tout autre homme. Sans doute il est écrit des vieillards d'Israël, qu'ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds comme un ouvrage de saphir, et comme le ciel lorsqu'il est serein. Exode 24, 10. Mais faut-il en conclure que le Verbe qui est la sagesse de Dieu s'est circonscrit substantiellement dans un certain espace, lui qui atteint d'une extrémité à l'autre avec force, et qui dispose toutes choses avec douceur. Sagesse 8, 1. Ainsi le Verbe divin, par qui tout a été fait, serait soumis au changement, et selon les circonstances se dilaterait et se resserrait. Ah, plaise au Seigneur de ne jamais permettre que de telles pensées souillent le cœur de ses enfants. Mais, comme je l'ai dit souvent, tous ces différents prodiges se réalisèrent au moyen de créatures visibles et sensibles qui annonçaient la présence du Dieu invisible et spirituel. Or, ce Dieu est la Trinité entière, Père, Fils et Saint-Esprit, Trinité, de laquelle, en laquelle et par laquelle sont toutes choses. Car les perfections invisibles de Dieu, aussi bien que son éternelle puissance, sont devenues visibles depuis la création du monde par ce qui a été fait. Romains 11, 36, 1, 20. Cependant, en ce qui concerne la question qui nous occupe en ce moment, je ne saurais déterminer si c'était la Trinité entière, ou bien une seule des trois personnes divines qui se fit alors entendre au milieu des effrayants prodiges qui s'accomplissaient sur le mont Sinaï. Néanmoins, il est permis de conjecturer avec modestie et avec réserve, qu'ici l'action de l'Esprit-Saint se révèle tout spécialement. Car il est dit que le Seigneur écrivit de son doigt la loi sur deux tables de pierre. Or, dans l'Évangile, le Saint-Esprit est appelé le doigt de Dieu. Exode 31, 18, Luc 11, 20. De plus, 50 jours sont comptés depuis l'immolation de l'agneau et la célébration de la Pâque jusqu'à la promulgation de la loi sur le Sinaï. Et de même 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, l'Esprit-Saint, qu'il avait promis descendit sur les apôtres. Nous lisons encore au livre des Actes, que cet esprit divin parut sous la forme de langues de feu, qui se divisèrent et se reposèrent sur la tête de chacun des apôtres. Actes des apôtres, 2, 1 à 4. Mais n'est-ce pas aussi ce que nous raconte l'écrivain sacré ? Tout le mont Sinaï, dit-il, fumait, parce que le Seigneur y était descendu au milieu du feu, et l'aspect de la gloire du Seigneur était au sommet de la montagne comme un feu ardent devant les yeux des enfants d'Israël. Exode 19, 18, 21, 16. Peut-être aussi ces divers signes marquaient-ils seulement que le Saint-Esprit, qui devait écrire la loi, apparaissait sur la montagne conjointement avec le Père et le Fils. Au reste, il est bien entendu que Dieu, qui est de sa nature invisible et immuable, ne se montra alors que sous les dehors d'une créature visible et matérielle. Toutefois, je ne saurais à mon point de vue, préciser quelle fut celle des trois personnes divines qui apparut. Markendanarchive.org D'après abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.